Sur la berge du grand fleuve, près d'un buissonnet, près d'un buissonnet. Croise fer de capitaine, croise fer de capitaine, pour un jeune cœur, pour un jeune. Sur la berge du grand fleuve, près d'un buissonnet, près d'un buissonnet. Arrêtez, fier capitaine, arrêtez, fier capitaine, vous ne l'aurez pas, vous ne sous l'ombrage des grands chênes, dans le bois voisin, dans le bois voisin. Un beau pâtre avec la belle, un beau pâtre avec la belle, va se promenant, va se promenant.